Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheet. And he also made four. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, ça ratatouille ce matin ? Wesh, gros, à la cool. Et pourtant, ma nuit fut aussi tourmentée qu'une fête canoise. J'ai rêvé que Tintin refourguait de la coke en stock à des joueurs de tennis, qu'Éric Besson s'obstinait à faire expulser la palme dehors et que les étudiants en colère sur la croisette subissaient un certain regard, le mépris. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 37 fait écho à vos divagations oniriques puisqu'il est un peu braque. Braque ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? D'autant que braquer un brachiosaure nécessite une prouesse brachiale, n'est-ce pas ? Oui, sans doute, mais bon, pensez surtout à changer de braquet, mon vieux, car voici maintenant la première brique. Attention, c'est parti, Andalou. Andalou ? Andaloufia ? Garçon de café, c'est George Clooney. Oui, c'est vous, le clown. Pensez surtout à la taurofaction, d'ailleurs. Concentrez-vous, voici la deuxième brique, bateau lavoir. Bateau lavoir, machine à laver, Jérôme Bosch ou Willy Brandt ? Aucun des deux, vous êtes réellement siphonné. Cela dit, voici tambour battant la dernière brique, Guernica. Ah, ok doc, le créateur andalou de Guernica et qui squattait le bateau lavoir avec Georges Braque, nous nous penchons bien sûr ce matin sur le formidable dossier Picasso. Alors allons-y, professeur Mauduit, étudions le cas de ce génie ivre de femmes et de peinture. Magnez vos strains les cubistes et apportez au labo le dossier de monsieur Picasso. Allez Pablo, à table. Picasso, c'est quoi la corruption ? La corruption ? C'est quand tu triches pour de l'argent. Ah, ok. Et toi Picasso, t'as déjà été corrompu ? Dis, arrête ! Dis pas ce mot, t'es fou ou quoi ? La corruption, c'est l'inverse de la morale. Un vrai homme jamais se laisse corrompre, jamais ! Putain, corrompu ! Mais ce mot, il salit l'esprit, mais il salit aussi la bouche de celui qui le dit. Pablo Ruiz Picasso. Certes, aujourd'hui le monde entier connaît votre patronyme, mais le mythe est devenu si grand, et surtout si consensuel, qu'on en oublie très facilement combien vous étiez un véritable artiste engagé. Et d'ailleurs, jusqu'au dernier jour, vous clamiez ceci : la peinture n'est pas faite pour décorer les salons, c'est une arme de guerre. Fascinante destinée que fut la vôtre. Alors sans plus attendre, débutons notre séance par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer ce qui nous turlupine au cœur de votre structure mentale. Eh bien voyez-vous, professeur Colin, ce qui me tarabiscote dans notre dossier ce matin, c'est évidemment le psychisme iconoclaste et belliqueux chez notre patient. Il s'obstinait avant tout avec bonheur à déséquilibrer le monde, à tel point d'ailleurs qu'il est arrivé parfois que Picasso déstabilise même le Politburo, comme nous le racontait ce bon vieux réactionnaire de Jean Nocher. On a fait la bonne blague d'envoyer à Moscou un nu de Picasso, une femme coupée en morceaux avec un sein au-dessus du bras, l'autre au niveau de l'orteil, une tête à la hauteur du nombril, un pied pané, l'autre bouilli, et un œil Dieu sait où, qui a fait dire à tous les membres du PC russe invités à l'expo, quand on pense que l'auteur de ce monstre est communiste, nous allons demander qu'on lui enlève sa carte du parti. Ainsi, nous avons chez nous beaucoup d'intellectuels et d'artistes qui se recommandent d'en face pour nous désintégrer ici, mais dont on ne voudrait pas là-bas, on nous les laisse. Croyez bien que je ne vise pas Picasso, qui a lui du talent quand il ne fait pas l'enfant, mais toute une intelligentsia qui nous mystifie en invoquant ce communisme qui la qualifie précisément d'imposture et la censure avec dégoût. Eh oui, toujours très mesuré dans ses propos, ce merveilleux Jean Nocher, ulcéré sans doute par l'adhésion de Pablo Picasso au Parti communiste. Ainsi, notre patient fut à la fois un homme profondément ibérique, mais également pétri de désirs universels, un syncrétisme qui nécessite au moins 53 minutes pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre cubiste synthétique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte sévèrement le son puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre Andalou qui avait du chien par une ritournelle hispanique devenue symbolique d'une Espagne débarrassée du fasciste méphistophélique. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás junto a la estación. L'été dernier, j'ai écrit une carte postale à Picasso en lui disant, mon cher Pablo, je te remercie parce que je me rends compte que tu as assassiné non seulement la peinture académique, mais aussi tu as assassiné toute la peinture moderne. Picasso, avec son génie ibérique, en 3 semaines, il a produit les tableaux les plus laids du monde, toute cette série de doramas qui sont extraordinaires, mais d'une laideur absolument surhumaine, et maintenant on ne peut pas aller plus loin dans ce sens. Mais donc si on veut faire des choses nouvelles, il faut maintenant faire des choses très belles. Avant tout, le ministère psychique reste fasciné par la propension analytique de l'éminent professeur Dali, peut-être notre meilleur patient, et qui ouvre ce matin ce dossier consacré à l'un de ses confrères, le pas banal Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga le 25 octobre 1881 et mort à Mougins le 8 avril 1973, fut un peintre et un sculpteur espagnol. Bon, une fois qu'on a dit ça. Il est bien difficile de résumer en quelques mots l'apport révolutionnaire de Picasso à la peinture et à l'histoire de l'art en général. Car ce génie, qui a commencé à titiller du pinceau à la fin du 19e siècle, a su rester à l'avant-garde jusqu'au cœur du 20e siècle, comme nous l'explique Pierre Dex, l'ami et le biographe de Picasso. Picasso, si vous voulez, à ce moment-là, j'entends à la fin des années 50, se trouvait très intéressé par les jeunes gens qui faisaient le pop art, par les jeunes peintres qui pratiquaient l'art pauvre, et où Picasso retrouve tout d'un coup, si vous voulez, repris par des gens qui pourraient être parfois ses petits-fils, exploiter des inventions que lui, dans le temps, a mis au point tout seul ou avec Braque. Et précisément, les choses qui passaient pour des mystifications, les premiers papiers collés, faire une peinture avec des bouts de papier journal en guise de couleur, les premiers assemblages où on prend quelques planches, une forme ouverte et ça devient une guitare, tout ce qui paraissait le plus vraiment mystificateur dans le cubisme, et bien maintenant, il n'y a qu'à voir ce que les peintres d'aujourd'hui, j'entends les garçons qui ont 20 ou 30 ans, en font. Mais Cocteau a dit un jour que Picasso ne désarçonnait les gens que parce qu'il allait plus vite que la beauté et qu'il y avait un moment où la beauté le rattrapait et bon, on commençait de comprendre Picasso. Tout à l'heure, quand je dis qu'il change constamment d'angle d'attaque, d'angle d'approche, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'une évolution. Vous voyez, il est comme un physicien qui ne saurait pas résoudre un problème de plasma. Qu'il l'attaque par une certaine manière, bon, ça ne marche pas. Il l'attaque par une autre manière, ça ne marche pas. Et Picasso, c'est pareil. Vous avez un problème plastique qui se pose à lui. Il l'attaque d'une certaine manière, ça donne des œuvres qu'on peut juger à un moment non réussi. On ne comprend pas où il va. Et il y a comme ça des œuvres qui ont dormi dans ses cartons pendant 60 ans. Vous comprenez? Et puis brusquement, quand vous les ressortez, 60 ans après, les gens disent « Mais tiens, nous comprenons. » Voilà où est le génie. Être en avance sur son temps pour faire bouger le temps présent. Mais pour faire bouger l'académisme, il faut le maîtriser. Picasso, fils d'un professeur de dessin, est passé par l'école des Beaux-Arts de Barcelone, puis par la prestigieuse Académie Royale des Beaux-Arts San Fernando à Madrid. Bien, bien, joli, joli. Bien le jaune, bien. Bravo. Regardez, regardez comme le corps féminin peut devenir un formidable champ d'investigation pour l'art pictural. Très bien. N'oubliez pas que les couleurs claires donnent du modelé à la courbe. C'est mou là, c'est mou. Oui, oui, mais non. Ça te plaît, hein, vicieux. Sale, nul, deux. Dis donc, c'est toi qui fais des jolis cendriers en rotant? Non, pourquoi? Parce que ma femme m'a dit qu'il y avait un type aux Arzap qui faisait de très jolis cendriers en rotin. J'adore le rotin. Hein? Si t'entends parler du type qui fait des cendriers en rotin, tu me fais signe? Ouais, ouais. J'ai l'impression que le type là-bas, il me propose une partouze. Et en effet, à la découverte des Demoiselles d'Avignon, peintes par Picasso en 1907, beaucoup se sont demandé à quoi pouvait correspondre cet enchevêtrement de corps qui ne respectait pas les canons pompiers, académiques et anatomiques. Pourtant, cette manière de voir l'art a transformé notre manière de voir le monde. Il serait long et fastidieux de faire ici la narration de l'évolution artistique de Picasso, tant elle est parallèle à l'histoire de l'art. Picasso, c'est du cubisme, du surréalisme, un Guernica, de la politique, des portraits et des taureaux, des chèvres, mais pas que. Et puis, il y a eu la colombe de la paix. Comment est-elle née, cette colombe? Picasso a fait beaucoup de lithographies à partir de 1945-1946. La colombe était une de ses lithographies. Son père peignait des colombes dans le temps. Et lui a fait beaucoup de lithographies de colombes, presque en hommage à son père. Et un jour, Aragon est arrivé chez lui. C'était au moment du congrès de la paix à Pleyel, en 49, et a trouvé la colombe que vous connaissez. Et c'est Aragon qui a eu l'idée, si vous voulez, de transformer une lithographie de Picasso en affiche pour le premier congrès mondial de la paix. Et la colombe, après, a pris son envol. La Paloma, adieu. Adieu, c'est toi que Et l'amour qu'a suscité Picasso chez quelques femmes et chez tous ses fans n'a d'égal que la méfiance et le scepticisme qu'ont suscité ses œuvres. Savez-vous l'injure à la mode chez les Parisiennes ? Va te faire peindre par Picasso, les yeux dans les oreilles et le nez dans la bouche. Eh oui, Picasso a toujours intrigué les esthètes, les marchands d'art, les collectionneurs, mais aussi le grand public. Petit tour, micro en main sur un trottoir, en 1966. On dit qu'il fait de la peinture. Un cubiste abstrait, mais moi j'aime pas ça. Figuratif plutôt. Maintenant, je ne sais pas, il a pu changer de... Mais enfin, figuratif, si vous... Ce sera plutôt tout ce qu'il y a d'abstrait pour moi. Et en peinture à l'eau et un peu mélangé à l'huile. Oh, j'ai horreur du Picasso. Certainement depuis 10 ou 15 ans, c'est une histoire plus ou moins commerciale et... Et c'est un peu dommage parce qu'il a galvaudé son art. Car c'est certainement un grand artiste. Bien vu, madame. Picasso est certainement un grand artiste, un génie, qui n'a pas seulement dédié sa vie à l'art, mais qui a fait de sa vie une œuvre d'art, un véritable roman dont les personnages sont entre autres Georges Braque, Jean Cocteau, Diaghilev, Max Jacob, Apollinaire. Mais on y trouve aussi, et peut-être surtout, des femmes, Gertrude, Fernande, Eva, Olga, Marie-Thérèse, Dora, Françoise et Jacqueline. Car derrière le génie de la peinture, dans l'histoire de l'art, il y a le génie de la peinture dans la vie de tous les jours. C'est joli ce que tu fais. J'espère que non. Pourquoi ? Parce que je fais pas dans le joli. J'essaye de faire dans le beau. Qu'est-ce que tu veux ? Ton avis. Bon, enfin, tu vois bien que je travaille. Je serai jamais prêt pour l'expo. J'ai envie d'un enfant. On était d'accord. Bon, on était d'accord et je suis plus d'accord. Voilà, j'ai envie d'un enfant avec toi. Tu veux jamais affronter les problèmes importants. Le problème important pour l'instant, pour moi, c'est finir cette toile. Parce qu'une toile, c'est plus important qu'un enfant. Mais les enfants, tout le monde sait en faire. Parce que toi, tu sais faire des choses que les... Attention à ce que tu vas dire. Parce que tu crois que ça, c'est une valeur quelconque. Allez, arrête, tu connais rien. T'es pas prêt de reposer tes mains d'artiste sur moi. Et Bach ? Quoi, Bach ? Oui, Bach, Jean-Sébastien Bach. C'était pas n'importe qui. Eh ben, il en a eu 20. Des enfants, va ! Bach, c'était pas un peintre. Bach, ce n'était pas un peintre. Et Picasso, ce ne fut pas seulement un peintre, car ses mains ont excellé dans la gravure, dans la sculpture ou encore dans la céramique. Un côté touche-à-tout pour celui qui a travaillé toujours plus et qui, le gros chanceux, a gagné toujours plus. Néanmoins, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de Pablo Picasso représente un véritable danger pour notre société. Et pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir son dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, tels deux léopards affamés dans la forêt équatoriale africaine guettant l'okapi, nous voici ce matin face au Picasso qui a guetté dans l'art africain tout ce qui touche à l'essentiel et qui lui a permis d'inventer le cubisme. Ce Picasso, quel finot ! Toujours au top, lui qui a choisi une posture royale dans le champ artistique. Oui, car quand on veut être artiste peintre, on a le choix entre petite 1, sublime talent créatif, précoce et fulgurant, mais hélas disparu trop jeune, type Basquiat. Ou alors, petite 2, artiste maudit qui évolue dans la bohème puis la misère et qui sombre peu à peu dans l'alcoolisme ou dans la drogue ou la folie sans jamais être reconnu de son vivant mais qui peut espérer la gloire posthume, très van Goghien comme comportement. Picasso, lui, a préféré petit 3, la gloire, la fortune et la vieillesse pour mourir auréolé et richissime à 91 ans. Picasso a trusté la peinture au XXe siècle comme Brodel le fit pour l'histoire, Bourdieu pour la sociologie, comme Derrida la philosophie et comme Jean-Paul II a tiré à lui l'ensemble de la couverture papale. Et pourtant, pour Picasso, tout n'était pas gagné. Tenez, par exemple, cette figure majeure de la peinture qui a passé sa vie en France, qui fait partie de nos gloires nationales, ne fut jamais français et il est mort espagnol. Quand Picasso débarque pour la première fois à Paris, le 5 mai 1901, il est immédiatement fiché comme anarchiste par la police des étrangers et l'étiquette va lui coller à la peau toute sa vie. Au mois d'avril 1940, tandis que les Français ne rigolaient pas du tout avec la drôle de guerre et que les nouvelles qui venaient d'Espagne étaient franco de port, Picasso s'est vu refuser la nationalité française. Oui, la France a refusé d'accorder la nationalité à Pablo Picasso, qui en avait fait officiellement la demande le 3 avril 1940. Alors, pourquoi ? Oui, pourquoi ? Eh bien, quand Picasso demande sa naturalisation, une enquête est faite pour le préfet, puis pour le ministre, et les conclusions de la brigade spéciale des renseignements généraux sont assez sidérantes. Picasso est qualifié de « peintre soi-disant moderne », d'étranger qui n'a aucun titre pour obtenir la naturalisation et, de surcroît, il doit être considéré comme suspect du point de vue national. Ainsi, sa vie durant, Picasso l'Espagnol a dû faire renouveler son titre de séjour tous les 5 ans et ça fait quelque peu sourire jaune d'imaginer le peintre que la France encense se voir refuser la nationalité française. Comme quoi la France, mère des arts, des armes et des lois, quand il s'agit d'immigration, a parfois vu son aura rabaissée et espérons qu'aujourd'hui, avec notre ministre de l'immigration, nous n'aurons pas à dire que nous nous rabaissons. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous avons un peu mieux cerné la dangerosité de notre patient. Un artiste, bon, déjà c'est méchant, mais en plus un ancien communiste, immigré qui plus est. C'est très inquiétant. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera donc à trifouiller les déviances comportementales de notre patient qui avait cette sale manie de griffonner sur tout ce qui lui tombait sous la main, un coin de nappe bien sûr, mais aussi sur un mur ou n'importe où ailleurs. Moi j'avais dessiné un cœur sur un mur plutôt qu'ailleurs. J'avais mis de la couleur pour dire qu'on est passé par là. J'avais gravé ton prénom sur un arbre près du pont. Un vieux truc de vagabond pour dire qu'on est passé par là. J'étais un cow-boy et toi une indienne élevée par des hyènes. Puis j'aurais un lasso, un cheval qui ressemble à un vélo, un chapeau, un revolver, mais en vrai c'est un lance-pierre. Ta robe à fleurs dans le Grand Canyon, c'est follement élégant, mais faudra du détachant. Moi j'aime pas le dimanche soir quand tu me dis je pars. Ton père n'a qu'une obsession, éviter les bouchons. Et moi j'avais dessiné un cœur sur un mur plutôt qu'ailleurs. J'avais mis de la couleur pour dire qu'on est passé par là. J'avais gravé ton prénom sur un arbre près du pont. Un vieux truc de vagabond pour dire qu'on est passé par là. J'étais un gangster, tatoué malabar, amoureux d'une infirmière. J'suis un dur, même pas mal, le mercure au chrome c'est normal. C'est les risques du métier, c'est pas moi qui ai commencé. Bonnie and Clyde, roi du terrain vague, caché dans un buisson, on fait notre éducation. Moi j'aime pas le dimanche soir, quand il n'est même pas tard. Ton père n'a qu'une obsession, retrouver la pollution. Et moi j'avais dessiné un cœur sur un mur plutôt qu'ailleurs. J'avais mis de la couleur pour dire qu'on est passé par là. J'avais gravé ton prénom sur un arbre près du pont. Un vieux truc de vagabond pour dire qu'on est passé par là. On est passé par là, sur les traces de Julien Daigniel, un artiste bien meilleur que Pascal Obispo. L'anagramme parfait, cependant, de Pablo Picasso. La déprime. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir dépeint les grandes étapes existentielles qui ont sculpté la fascinante structure mentale de notre patient au pinceau, il est temps, me semble-t-il, d'essayer d'analyser les pratiques artistiques de Pablo Picasso pour y déceler peut-être quelques aspérités psychiques vigoureusement enfouies. Avant tout, certes, notre patient fut un révolutionnaire dans l'histoire de l'art, mais il fut également très attaché à la peinture classique, puisqu'il fut notamment un passionné de Velázquez et de Rembrandt. Cela dit, il ne faut jamais oublier non plus que la carrière picturale de Picasso fut essentiellement une entreprise de déconstruction. « À 12 ans, disait-il, je dessinais déjà comme Raphaël. Et il m'aura fallu toute ma vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. » On retrouve immédiatement ici toute la modestie qui sied au génie, mais aussi l'essence de sa condition, à savoir une affreuse solitude morale dans laquelle Picasso fut plongé au début du XXe siècle. Et, bien sûr, c'est sans doute pour s'offrir un peu de réconfort que l'artiste en marinière fréquentait quelques demoiselles dans chaque port. Alors découvrons justement les coulisses du processus de fabrication de cette toile majeure peinte en 1907, les Demoiselles d'Avignon. Surprise, les premiers pas sont académiques. Picasso fait ses gammes, griffonne des bons hommes, inlassablement. Il veut se mesurer aux bains turcs d'Ingres, aux baigneuses de Cézanne. Il travaille, retravaille les formes classiques. Tiens, vous avez les yeux du même bleu que le bleu du tableau. Ce n'est pas de ma faute. C'est vrai, non? C'est mystérieux. On dit que la peinture est abstraite, mais c'est faux puisqu'elle ressemble à ses yeux. Qui eux ne sont pas abstraits, donc cette peinture vous va comme je vous vois. Et dans son... Voici la première composition d'ensemble. Elle compte 7 personnages. C'est une scène de bordel, celui de la rue d'Avignon, à Barcelone. Vous connaissez tous? Alors asseyez-vous. Non, je ne connais pas, je crois, ces demoiselles. Je vous en ai parlé? Oui. Ce sont mes jumelles. Il me semble, je crois, vous avoir rencontré. Vous m'étonnez, monsieur, car je m'en souviendrai. L'un est un marin, avec col et pompons, attablé devant un perronne et quelques tranches de pastèque, symbole sexuel évident. Je ne connais rien d'elle, et pourtant je la vois. J'ai dessiné son corps, et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Tout cela sans l'anecdote. Picasso simplifie. Regardez ce qui arrive au carabin. L'épaule devient sain et hop, le voici changé en femme. Exit ces messieurs. Les dames s'adressent directement à nous. Bonjour mon chichou, qu'est-ce que tu t'es fait là? C'est rien, c'est un trou. Quels sont tous ces paquets? Nos costumes de scène, de superbes robes de reine. Vite, montre-les-moi. C'est tout simple et ça nous ira, je crois. C'est coquin. C'est coquin. Ah, qu'est-ce que j'ai faim. Oui, on y va, mais patiente une minute. Tu n'as pas peur qu'on fasse un peu pute? Tiens, c'est drôle, mais je n'avais pas pensé à ça. Assis, debout, levez les bras, tournez la tête, encore. Picasso fait subir à ses victimes toutes les contorsions. On entend craquer les vertèbres. On voit la peau qui se tend. Le nez qui s'allonge, ce fameux nez en quart de brie, les coudes et les genoux qui percent. C'est une explosion de l'intérieur, une métamorphose. Ces demoiselles deviennent cocottes de papier. Et votre idéal? Ce sera pour la prochaine fois. J'ai laissé ma toile chez l'ancien. Vous pourrez passer la voir quand vous voudrez. Allez, au revoir, madame Yvonne. Je vous embrasse. Les respectueuses de la rue d'Avignon sont aujourd'hui entourées des plus grandes marques de respect. On dit que leur voyage à Paris a été assuré 50 millions de dollars. Oui, de Barcelone à Rochefort, les demoiselles furent obsessionnelles chez Picasso. Les femmes sont très importantes dans sa vie et il entretenait avec elles des rapports passionnels. Parfois même, il s'amusait, paraît-il, à les manipuler. D'ailleurs, bien souvent, Picasso est également décrit comme un personnage quelque peu sadique. Néanmoins, le sadisme artistique de Picasso doit immédiatement être tempéré par son esprit farceur. Ainsi, dans la lignée de ce méconnu mais sublime essai baudelairien intitulé « De l'essence du rire », Picasso avait bien compris que l'académisme s'arrête malheureusement au bord du rire comme il s'arrête au bord du gouffre. C'est pourquoi, évidemment, Picasso, l'iconoclaste, aimait aussi la bonne déconne. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout, chaque jour, comme chez lui, voit l'assiette et la pomme et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme, et la pomme lui dit merci. Et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité. Oui, bien souvent, on sous-estime l'humour de Picasso, qui fut pourtant indéniable. À tel point d'ailleurs que ses œuvres les plus inestimables et aujourd'hui disparues ont été peintes sous le pinceau de la galéjade, jusqu'à considérer pour certains qu'à la fin de sa vie, Picasso était devenu un imposteur, figure de la mystification. D'où vient cette vieille histoire de mystification, Pierre Dex, à votre avis ? Elle vient indéniablement de l'humour de Picasso. Un jour, je me suis trouvé sur une plage avec lui et un marchand de peinture qui le tarabustait pour avoir je ne sais plus quelle toile. Il faisait très chaud, c'était à Golfe-Juan. Et à la fin, Picasso, excédé, a demandé à une jeune femme qui se trouvait là si elle avait un rouge à lèvres. Il a pris le rouge à lèvres et il a fait venir le marchand de tableaux qui était ventru, en slip comme il se doit sur une plage, et a commencé à lui dessiner une tête absolument magnifique en servant des seins, du nombril, des plis du ventre. Après, il a demandé s'il y avait un rouge d'une autre teinte. Enfin, vraiment, il a fignolé son travail. Et il a dit au marchand, bon, ben, tu voulais quelqu'un... Tu l'as maintenant, tu l'as, tu es content, tu as un Picasso. Imagine un peu l'angoisse. Sur ton ventre ensoleillé, Picasso aurait peint un sublime visage, mais sans aucun moyen de le conserver. Puisque de retour à la maison, l'eau savonneuse aurait eu raison de ton hypothétique fortune. Ce fut ici toute la cruauté ironique du diablotin Pablo. D'ailleurs, à propos de férocité... Nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, que Pablo Picasso eut également une appétence certaine pour une toute autre forme de cruauté. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble cette curieuse digression autour de ce rituel proche de la crucifixion, selon notre patient. L'interne, pointez-vous au studio Picasso ! That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Hola, amigo. Que tal? Professeur, pardon. Le patient du jour serait donc le complètement piqué Picasso. Eh bien, sachez que pour ce dossier, j'ai dû courser Pablo jusqu'à me retrouver en Espagne. Et si les us et coutumes ibériques ont largement inspiré l'artiste, elles l'ont particulièrement marqué lors de son enfance passée en Catalogne. En ce temps, les chevaux des corridas affrontaient à cru le taureau. Un combat cruel qui transparaît dans l'œuvre du peintre. S'il a si bien su en rendre l'intensité, c'est que ses premiers dessins ont été griffonnés au sortir des arènes. Si je n'avais pas été peintre, j'aurais été picador. La phrase est de Picasso. C'est effectivement par le dessin que Picasso fit parler le toréador qui sommeillait en lui. Et ce ne fut pas anodin si la première œuvre qu'il signa à l'âge de 8 ans s'intitula le Picador. Ainsi, dès qu'il eut été en âge de torer, Picasso n'hésita pas à échanger ses pinceaux contre des piques, comme ce fut l'occasion en 1896 lors de ses vacances à Malaga. Pourquoi veux-tu être toréo ? Tu es si différent des autres. Eh bien... Je ne sais pas. Peut-être j'aime le danger. Et si je dois mourir, je préfère que ce soit dans l'arène. C'est plus poignant. Vous ne me croyez pas ? Tu es bien trop jeune pour penser à la mort. Vous avez du succès auprès des filles, pas vrai ? Ça les excite de sortir avec un ancien torero. Sur ses bons conseils, Picasso comprit rapidement que la corrida ne lui permettrait pas d'accéder uniquement à la gloire, mais aussi aux femmes. Ceci dit, même un Picasso ado, ça reste macho, en confondant parfois domptage et drague. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste alors. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y a pas de l'or. Oh, machiste alors. Mais par son talent, le jeune Pablo triompha dès 1897, aussi bien aux Beaux-Arts de San Fernando que dans les arènes. Et Pablo se fit très vite un nom qui allait lui rapporter gros. Et si tout le monde garde en mémoire la fameuse anecdote de Picasso payant ses additions de restaurant en gribouillant sur un coin de nappe, rares sont ceux à savoir ce qu'il s'y passait avant, lorsque Señor Picasso manifestait ses exigences culinaires. On m'a dit que vous aviez une cuisine exceptionnelle. En effet. Notre clientèle ne se plaint pas trop de notre chef. Ne tournez pas autour du pot. Il est exceptionnel ou il n'est pas exceptionnel, le chef. Il est excellent, voilà. Alors, il veut qu'il me prépare ça. Olé ! Qu'est-ce que c'est ? La queue. Elle est des oreilles. Et il bouffe ça deux fois par semaine depuis 15 ans. Pour qu'après chaque corrida, on me les donne. Pour que je sois très doué. Olé ! Vous voulez dire que vous voulez manger la queue et les deux... Si ah. C'est très bon pour la virilité. Il les bouffe. Comme ça, il garde la fuerza du taureau en moi. Mais à force de penser taureau, vivre taureau et manger taureau, il se passa là aussi quelque chose d'exceptionnel. Picasso a fait aussi la couverture de Minotaure, parce que Picasso s'identifiait déjà avec le Minotaure. Il voyait dans Minotaure le désir du mâle, n'est-ce pas, de séduire des jeunes filles. Et c'est ainsi qu'il a représenté la plupart du temps, rôdant autour d'une femme, endormie, sans défense, couchée sur un lit. Thank you, Mr. Taylor. Bien. Le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette étrange divagation qui nous révèle ce matin qu'à défaut d'être torero, Pablo Picasso fut en réalité l'incarnation du Minotaure, l'essence de la virilité. Le problème, c'est quand on a puni Picasso à rouler au diesel. Picasso est le nom d'un véhicule mono-espace qui sera disponible à la fin de l'année et dont Citroën espère qu'il enrayera la chute des ventes enregistrée par le constructeur automobile au mois de mai dernier. Pablo Ruiz y Picasso, étant passé à la postérité artistique comme inventeur du cubisme et de l'expression popularisée par l'immortel Pierre Desproges « J'ai Guerniqué à Guernica », on est en droit de se demander si le style cubiste influera sur le style de la voiture. En clair, le volant de la future Citroën Picasso sera-t-il en forme de guitare carrée ? Les airbags seront-ils des cubes ? Et y aura-t-il en déco permanente des grosses dames couchées sur la plage arrière avec un pied dans l'oreille ? À moins qu'inspiré par cet étrange baptême, un automobiliste esthète tente la performance qui bouclerait la boucle, une Picasso compressée par le fantôme de César, de nouveau, ça serait de l'art. Bien, après avoir découvert à l'instant comment certains héritiers du maître n'ont pas hésité à brader vulgairement la mémoire de leur illustre et génial ancêtre, histoire de s'en mettre un peu plus dans les fouilles, qui dégueulait quand même déjà sévèrement. Enfin bon, passons. Il est temps désormais d'entamer l'ultime partie de notre analyse, qui consiste justement à repérer les résurgences de la psyché de notre patient dans notre société de l'image post-Picasso. Et avant tout, comme d'habitude, c'est une tradition ministérielle, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre peintre un peu braque au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée ce matin L'art modem, et dans laquelle nous allons être surpris par le mimétisme de François Bayrou à l'égard du cheminement artistique de Pablo Picasso. L'ingénu expert jungien qui guernica, pointez-vous au labo, analyse. D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Il faut lui faire faire une régression. Le ramener dans son passé, voir ce qui lui est arrivé, puis l'inciter à le confronter. Une régression ? Vous vous rendez compte du danger qu'il y a à faire régresser un patient dans son genre ? Oui, c'est un peu un paradoxe. Picasso, qu'on a longtemps considéré comme un iconoclaste, un destructeur, un révolutionnaire, a aussi un pied depuis toujours ancré dans la tradition. Quand je serai à Troyes, vous serez sous hypnose. Hein ? Le secrétaire général de l'UDF ouvrira le grand chantier de l'éducation. François Bayrou ira rue de Grenelle. La période bleue, très influencée par le Gréco, il a regardé la peinture du passé, tâchant même de rivaliser avec cette peinture. Il n'y a pas de réforme Bayrou. En revanche, il ne faut pas se résigner à ne rien changer. Manifestation imposante des défenseurs de l'école publique. 300 000 manifestants, disent les uns, 1 million rétorquent les autres. Deux, ressentez déjà au niveau des yeux une grande lourdeur. La dernière ligne droite pour convaincre les électeurs, avec une fin de campagne marquée par les appels de Michel Rocard et Bernard Kouchner à l'alliance entre socialistes et centristes. La période rose où il retrouve une forme de classicisme archaïste. C'est quelque chose de très intéressant pour l'avenir. Ségolène Royal, François Hollande, on dit non, non et non. Mais il ne leur appartient pas de répondre. C'est aux Français qu'il appartient de répondre. Et moi, je sais que la réponse des Français, elle est très positive. Trois. Maintenant, je veux que vous avanciez un peu dans le temps. Et il y avait un très grand tableau. Le tableau qui, depuis, a été appelé Les Demoiselles d'Avignon. Il l'appelait lui-même le bordel philosophique, hein, ce tableau. Donc déjà, il y avait cette idée de bordel, c'est-à-dire de mélange de genres, de mélange d'influences. Le monde est à la recherche d'un modèle nouveau dans lequel la solidarité joue pleinement son rôle. C'est la solidarité qui renforce les sociétés et ce sont les inégalités qui les affaiblissent. Où est-ce que vous êtes ? Maintenant, je vais compter à rebours de 5 à 1. Martin Schulz, le socialiste européen, parlant de vous, François Bayrou. 5. À la maison, il parle comme Marx en exil, mais à Bruxelles, il 4. Siège avec de sauvages néolibéraux. 3. 2. Bon, je suis pas sûr de parler comme Marx en exil. Vous commencez à vous réveiller. Et 1. Il y a une chose qui m'embête, c'est que le public va avoir l'impression que tu as fait ça en 10 minutes. J'ai travaillé combien de temps ? 5 heures. Eh bien, maintenant, tout le monde le sait. Oui, comme vient de l'affirmer Picasso, maintenant tout le monde le sait. Le discours de François Bayrou est cubiste. Analytique ou synthétique, ça, nul ne le sait. Encore que certaines mauvaises langues évoquent le stade ultime, celui d'un cubisme orphique, défini en son temps par Guillaume Apollinaire et qui tend vers l'abstraction, dis donc. Bien sûr, chacun jugera à l'aune de son œil aiguisé de critique d'art. Par ailleurs, quittons quelques minutes l'Hexagone et traversons l'Atlantique, car bien entendu, l'influence post-mortem de Picasso est aujourd'hui planétaire. Et si tout le monde s'accorde désormais pour reconnaître que notre patient fut un véritable génie, il n'en demeure pas moins que l'esprit engagé de Picasso continue régulièrement à gonfler certains cadors de la réelle politique, comme ce fut le cas au siège de l'ONU en 2003, lorsqu'il a fallu justifier l'intervention en Irak. L'un des chefs-d'œuvre de Picasso, Guernica, sur la guerre d'Espagne, était, c'est le cas de le dire, en toile de fond de l'avant-guerre en Irak. En toile de fond que l'on a voulu recouvrir pour ne pas présenter une image dérangeante au monde entier en pleine tractation diplomatique, comme l'explique Lucien Clergue, photographe qui était un proche de Picasso. Guernica a traduit les bombardements sur une ville de manière terriblement brutale et inattendue. La mort des gens, c'est ça, c'est toujours ça. Et c'est d'autant plus ça qu'il y a quelques semaines à l'ONU, lorsque les représentants des inspecteurs sont venus apporter leur premier témoignage, on a recouvert d'un drap bleu Guernica pour donner, entre guillemets, un fond plus convenable aux caméras de télévision. Ce qui prouve que 70 ans après, Picasso est toujours là, très fort, et qu'il fait mal. Pendant l'occupation nazie, certains officiers nazis venaient visiter l'atelier. Et alors, ils laissaient traîner sur la table une carte postale de Guernica, et l'officier nazi lui dit « C'est vous qui avez fait ça ?» Et Picasso répond « Non, c'est vous. » Génial et courageux trait d'esprit à la face des nazis. D'autant qu'on imagine volontiers l'œil pétillant et le sourire goguenard de Picasso à ce moment précis. Alors, nous étions à l'instant sur la côte est des States, à New York. Eh bien, poussons un peu plus maintenant notre curseur vers l'ouest et ruons-nous sur la Californie, où certains gros malins, figure-toi, font aujourd'hui un gros business grâce à la chirurgie cubiste inventée par Georges Braque et Pablo Picasso. Nous nous transformons alors, nous chirurgiens, en artistes, en alchimistes de la beauté. Et nous travaillons sur le plus beau support qu'un peintre puisse rêver, le visage humain. Marqueur. Regardez, Sandrine, là, vous me rabotez l'œil, vous le retirez vers les tempes et vous raccourcissez les oreilles, vous rabotez le menton. Hein? Je crois que je suis amoureux de cette sculpture. Je doute que vous vouliez l'acheter. Il y a des années, on m'a proposé le Guernica de Picasso pour une bouchée de pain. Je n'ai pas saisi ma chance et cette bouchée de pain m'est restée en travers de la gorge. Quoi qu'il en soit, j'adore cette chose hideuse. Jeune fille, je l'achète. Oui, les vieux tout fripés, mais tout friqués, des villas de Santa Barbara ont tellement la trouille aujourd'hui de passer à côté de leur énième jeunesse qu'ils sont prêts à cracher l'oseille pour s'offrir un portrait au scalpel tendance Picasso. Triste sort, triste cire. Enfin bref, pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre patient iconoclaste, revenons au sein de notre ministère, sans quitter réellement la Californie, où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici « long corps chétif », t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques picassoesques. Alors, comme d'habitude, c'est complètement absurde et sans aucun doute un brin cubiste, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole ! Yeah. Ouais. Yeah, ouais, je t'aime bien Pablo Picasso, le roi du pinceau, qui fait des portraits en tranches de cake. Assieds-toi Pablo l'Espagnol, même si parfois libéré rude. Toi tu sais les désastres causés par les franquistes, toutes les atrocités commises, les bombardements et la vie d'innocents que cette sale guerre niqua. Ouais, moi aussi j'ai eu des périodes Pablo. D'abord, la période bleue. Quand les autres aliénés me maravaient la face pour me piquer mon dessert, j'étais couvert de bleu, ouais. Après, c'était la période rose. Tous ces barjots qui me poussaient, je finissais le cul dans les rosiers, ouais. Mais maintenant, ça va mieux. C'est ma période cubiste. Je prends l'apéro avec les professeurs. C'est l'heure de l'apéricube. Ouais, c'est bon, le fromage au cumin. Il y a aussi au bacon, comme Francis, et ouais. Et le problème, c'est que pour cet apéro, il y en a qui viennent et qui sont pas invités. Tu le sais bien ça, toi, Pablo, hein? Quand il y a un Picasso, il y a des Picassiettes. Trop con. Anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. 1866 voulait tout repeindre en noir. Et comme dirait le peintre spécialiste du noir, ça soulage. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques. Et le ministère psychique demeure très intrigué par l'architecture mentale cubiste de notre patient Picasso, qui souffre, hélas, chaque jour à Malaga, à Barcelone, à Paris et dans tous les musées du monde, d'entendre immanquablement la petite phrase assassine du pauvre visiteur qui ne comprend pas l'ampleur et le génie de ses œuvres. Tiens, ça, un enfant pourrait le faire. Viens, on va acheter des feutres et des crayons de couleur pour que on rentre à la maison et tu me laisses tranquille et tu fais des dessins, comme les enfants qui sont gentils avec leur papa. On habiterait une maison comme ça. On serait dans la merde. Alors tu vas aller me faire une maison en bonne et due forme, hein? Avec... C'est qui ça? C'est maman, ça? Oh putain, ne lui montre pas, ne lui montre pas. Non, sérieux, ne lui montre pas. Va refaire ta mère, non, sérieux. Et ça, c'est qui à côté? C'est qui? Ça, c'est moi? Ça, c'est moi! Papa, il est plus petit que maman et il est bleu! Eh oui, il est plus petit et il est bleu et c'est magique. Le ministère psychique décide donc de libérer Pablo Picasso, tout simplement, car la colombe ne se met pas en cage et comme le Minotaure sort du labyrinthe. Allez, hop! Dehors, monsieur Picasso! Au ministère, on en a d'or à marre de vous! Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 37e consultation déjantée du ministère psychique, consacrée ce matin à un peintre encensé et en simèse, Pablo Picasso. Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même, remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Benoît Massir, merci, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaugelet et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off et Elsa Denac, notre stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin, chers amis, que la semaine prochaine ici, le ministère sera une véritable ménagerie car ce sera le Zola. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?